Chapitre 14e. Le premier trouble de joie s'étant un peu calmé, Madame Guesswiller avait expliqué les propositions de Madame Raffelis. Elle se chargeait de Geneviève, et dès le lendemain, les leçons commençaient. Au mois d'octobre, elle la faisait entrer au conservatoire dans sa classe, et si l'enfant travaillait bien, si les dispositions qui étaient en elle se développaient, comme il était probable, dès le mois d'août, elle concourrait. Obtiendrait-elle le prix? Personne ne pouvait le dire ni le promettre, mais c'était possible. Ce qu'il fallait, c'était qu'elle concourût cette année même et qu'elle séduisît le jury autant par le mérite de son exécution que par le charme de sa jeunesse. C'était une épreuve à risquer. Le talent, le vrai, sérieux, viendrait plus tard. Madame de Mussidon se montra surprise de cette distinction qu'elle ne comprenait pas. « Geneviève n'aura donc pas de talent ? » demanda-t-elle. « Elle aura un certain talent, assez pour étonner les amateurs. Et cela suffit pour gagner de l'argent. Seulement ? » Seulement, si elle veut être une artiste, pour les artistes, elle aura encore à travailler, et joliment. Mais ça, c'est l'avenir. Nous n'avons qu'à nous occuper du présent. Pour Madame de Mussidon, ce qu'elle avait à faire dans le présent, c'était d'obtenir que son mari consentît à cet arrangement. Si, dès le lendemain, Geneviève avait dû gagner quelques centaines de francs par mois, son acceptation eût été certaine. Mais ce n'était pas dès le lendemain que l'enfant pouvait travailler pour ses parents. Ce ne serait que dans quelques mois. Dans quelques années peut-être, et cela changeait tout à fait la situation. Que lui importait ce qui arriverait dans quelques années? Il savait bien, il était sûr qu'à un moment il jouirait de la fortune de Mademoiselle de Puylaurens. Ce qu'il fallait pour lui, c'était le moyen d'attendre jusqu'à ce moment sans trop souffrir, c'est-à-dire sans en être réduit aux 150 francs qui lui venaient de Lille tous les mois. Assurément, tant qu'il n'aurait pas l'équivalent de l'indemnité que sa tante lui avait supprimée, il s'inquiéterait, il chercherait. Et toutes les combinaisons qui pourraient amener la petite à travailler pour ses parents, il les accepterait. Ce qu'il fallait donc pour qu'il voulût bien attendre le moment où Geneviève, ayant obtenu son prix, gagnerait de l'argent, c'était une combinaison qui doubla les 150 francs qu'il touchait déjà et lui procura ainsi les 300 auxquels il était habitué. Dans cet ordre d'idées, elle n'avait qu'une chose à faire, qui était de s'adresser à son oncle et de lui demander un nouvel effort. Au lieu de prendre un an et demi pour se libérer par fraction de 150 francs, qu'il prit 9 mois avec des termes de 300 francs, elle était sauvée. Dans 9 mois, Geneviève, qui aurait sans doute obtenu son prix, gagnerait quelques milliers de francs par an, et il ne pourrait plus être question de la lancer dans des aventures plus ou moins périlleuses. Elle lui avait écrit dans ce sens en lui exposant franchement sa situation. Pour que sa fille pût devenir la grande musicienne que ses dispositions naturelles promettaient, ils avaient besoin de 300 francs par mois, au lieu de 150. Pouvait-il les leur envoyer? Elle s'adressait à lui en désespoir de cause et le service qu'elle lui demandait était le plus grand qu'il pût leur rendre. Le troisième jour, après avoir envoyé sa lettre, elle avait reçu une réponse. « Ma chère nièce, je ne saurais vous dire combien je suis heureux d'apprendre que ma petite nièce affirme de grandes dispositions pour la musique, car par là elle montre qu'elle est bien de notre famille. À l'exception de vous, ma chère Angélique, nous avons tous été musiciens de père en fils, aussi loin que nous pouvons remonter. Notre bisaïeul était carillonneur à Bruges, notre grand-père maître de chapelle de l'évêque de Spire, notre père chef d'orchestre du théâtre de Metz, et c'est pour moi un sentiment de douce fierté de voir que votre fille nous continue. Sous la direction de Madame Raffelis, qui est une femme de grand talent, elle ne peut pas manquer de devenir une musicienne qui nous fera honneur. Vous comprenez, n'est-ce pas, que dans ces conditions, je ne peux vous répondre que conformément à votre désir et comme parent et comme artiste. Si dans ma carrière déjà longue, je n'ai pas su mettre de l'argent de côté, ce qui, j'en conviens, est une grande faute, j'ai pu au moins acquérir ce qui vaut mieux souvent que la fortune, l'estime et l'amitié de ceux avec qui j'ai vécu. Dans mon embarras pour vous satisfaire, je me suis adressé à quelques-uns de ces amis, et bien que je n'ai jamais voulu jusqu'à ce jour contracter une dette, si petite qu'elle fût, je leur ai demandé de me prêter 150 francs par mois, afin de parfaire les 300 qui vous sont nécessaires, et je n'ai pas été refusé. Le mois prochain, vous recevrez vos 300 francs pour continuer ainsi jusqu'à ma libération. Si, lorsque je ne serai acquitté, quelques centaines de francs vous seront encore utiles pour achever l'instruction musicale de ma petite nièce, ne vous gênez pas, je vous prie, pour me les demander. ce me sera un plaisir de les mettre à votre disposition et de contribuer ainsi, pour une faible part, au développement du talent de cette chère petite que je vous charge d'embrasser pour moi. Présentez mes hommages à M. le comte de Mussidan, qui doit être heureux et fier d'avoir une fille aussi douée, et pour vous, ma chère Angélique, croyez à mes sentiments dévoués, J. Godard. Cette lettre lui mit des larmes aux yeux. Pourquoi donc M. de Mussidan disait-il toujours que le monde était peuplé d'égoïstes et de méchants? Cette lettre n'était-elle pas celle d'un brave homme, et Mme Gelsviller n'était-elle pas aussi une bonne femme, et Mme Raffelis, comme il avait dû souffrir pour s'être ainsi laissé aigrir? Maintenant, elle pouvait lui soumettre la proposition de Mme Raffelis. Le jour où l'argent de l'île cesserait d'arriver, celui que gagnerait Geneviève le remplacerait. Il pouvait donc laisser Geneviève travailler tranquillement la musique sans chercher d'autres combinaisons. Cependant, ce ne fut pas de Mme Raffelis qu'elle lui parla tout d'abord. Ce fut de la lettre de l'oncle de Lille. « Voilà un particulier qui ne se gêne vraiment pas avec nous. Comment il pouvait emprunter pour se libérer de ce qu'il nous doit et il ne l'a pas fait? Il le fait maintenant. Maintenant, la belle affaire. L'affaire a cela de bon au moins qu'elle permet d'attendre que Geneviève gagne de l'argent. Ce qui pourra arriver. » Bientôt, si vous vouliez accepter les propositions de Mme Raffelis. Quelles propositions? De quel droit cette Mme Raffelis, que je ne connais pas, se permet-elle de m'adresser des propositions par votre entremise au lieu de me les faire directement comme il convient? Elle expliqua de quoi il s'agissait. Et quel est le prix de ces leçons à cette Mme Raffelis? Elle ne les ferait pas payer. Comment elle ne les ferait pas payer? Le prix de ces leçons est de 40 francs l'heure. Il sait bien que nous ne pouvons pas dépenser 40 francs tous les jours. Comment elle sait bien? Et qui lui a dit que moi, comte de Mussidan, je ne pouvais pas dépenser 40 francs par jour? C'est cette Alsacienne, n'est-ce pas? Dites que c'est elle et je la chasse de chez moi. Elle se garda bien de rien dire. Au reste, cela était inutile. Il était parti pour parler seul, sans rien écouter. Est-ce que vous vous imaginez, par exemple, que je vais accepter que cette Madame Raffelis, que je ne connais pas, me fasse cadeau de ses leçons? Quand un Mussidan reçoit un cadeau, il en rend deux. Vous ne sentez pas cela, vous? Dans votre condition, on n'est pas sensible à ces choses. » Il fallait répondre, sinon à ce qui lui était personnel, au moins à ce qui touchait Mme Raffelis. « Ce n'est pas un cadeau que Mme Raffelis veut nous faire. Si elle nous rend service, de son côté, Geneviève peut lui être utile. Quand un professeur donne son temps et sa peine à un élève, ce n'est pas tout à fait pour l'élève, c'est aussi pour lui-même, pour sa propre réputation, pour que l'élève le défende et le fasse triompher dans les concours. » Elle croyait que cette explication, qui était celle que Mme Gelsviller lui avait donnée, serait suffisante, mais elle se trompait. « Je comprends, » s'écria-t-il, « nous y voilà, on veut exploiter ma fille. On a vu qu'elle avait du talent, un talent assez grand pour en tirer parti, et cette Mme Raffelis, dont je me méfiais d'ailleurs, sans trop savoir pourquoi, mais d'instinct, veut se servir d'elle pour gagner des médailles. Élève de Mme Raffelis, cela fait bien, et vous n'avez pas vu cela, vous ?» On a parlé d'art, de dévouement à l'art, et vous avez cru ce qu'on vous a dit. Sans moi, vous auriez livré votre fille. Heureusement, je suis là. Je vais aller la trouver, cette Mme Raffelis, et m'expliquer avec elle. Si c'est un cadeau qu'elle veut me faire, je vais lui dire que je n'en veux pas et que je lui payerai ses leçons. Plus tard, s'il s'agit d'une exploitation de ma fille, nous verrons à nous entendre. Il ne faut pas être dupe en ce monde, c'est bête. Elle eut un moment de découragement et de défaillance. Où demeure cette Mme Raffelis? Je ne sais pas. Je le demanderai à Mme Gelsviller. Monsieur de Mussidan eut le temps de se calmer. Après tout, on pouvait essayer.